19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Une fois n'est pas coutume, un des grands thèmes de recherche de l'archéologie est au cœur des préoccupations mondiales, sur toutes les lèvres, dans toutes les pensées. Ce que nous propose donc ce soir un archéologue, c'est au travers du temps long, très long, d'observer les migrations humaines, celles qui font de nous tous des immigrés. Raconter l'histoire des migrations, c'est bien entendu relater l'histoire de l'humanité. Aucune des grandes nations européennes n'a ainsi connu de peuplement homogène, quels que soient nos propres romans nationaux. Évoquer les temps très anciens, c'est aussi s'apercevoir que tous les modèles de migration ont déjà été expérimentés, voici des millénaires, jusqu'aux réfugiés climatiques ou environnementaux, avec l'explosion de Santorin, voire la remontée des eaux de la toute fin du Pléistocène. Jean-Paul Demoule, bonsoir. Bonsoir. Rappelons que vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 1, membre de l'Institut universitaire de France. Ce que vous nous proposez surtout ce soir, c'est tout simplement une histoire globale des migrations au travers d'un livre de 430 pages, Homo Migrans, de la sortie d'Afrique au grand confinement, qui sort aujourd'hui aux éditions Payot. Jean-Paul Demoule. Pourquoi cette volonté de l'homme de partir à la conquête de nouveaux espaces? Cette curiosité serait-elle dans notre propre nature? Et ce de là depuis que nous sommes sortis d'Afrique pour mieux atteindre la Lune? Certainement, il y a plusieurs causes dans les migrations et qui souvent s'entremêlent, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et il y a de toute façon une grande constante sur le très long terme qui est la constante démographique et qui fait notamment qu'à partir du néolithique, on va passer en même pas 10 000 ans de 2 millions d'humains à presque 8 milliards. Mais il y a certainement aussi cette curiosité dont vous parlez, puisque les premiers humains à sortir d'Afrique, c'est-à-dire les Homo erectus il y a 2 millions d'années, et puis ensuite les sapiens nous-mêmes il y a 100 ou 200 000 ans, ils avaient quand même de la place en Afrique. Donc la seule manière dont on peut se la représenter dans l'état actuel des connaissances, c'est le fait que à chaque génération, quelques individus sont allés plus loin, sont sortis au-delà du territoire usuel du groupe pour un peu voir ce qui s'est passé. Et effectivement, quand on aura bien plus tard les grandes découvertes vers d'autres continents et, comme vous le disiez à l'instant, la Lune, il y a bien sûr toutes sortes de facteurs, y compris économiques, politiques, etc. Mais il y a certainement aussi cette forme de curiosité. Jean-Paul Demoule, les migrations contemporaines sont-elles différentes de celles bien plus anciennes ? Non, pas vraiment. À chaque fois qu'on va essayer de les classer et de chercher leur motivation, c'est effectivement la recherche de territoires nouveaux pour des sociétés qui vont s'estimer trop à l'étroit ou dans des formes sociales inégalitaires. Donc les premières migrations liées à l'agriculture, à l'invention de l'agriculture il y a 10 000 ans, c'est effectivement parce que l'agriculture va créer un surcroît de démographie, et c'est la même chose qui va se passer au 18e et 19e siècle, quand une partie des Européens vont partir vers d'autres continents. Et de même, les problèmes politiques qui nous sont relatés dans l'Antiquité grecque, par exemple, qui font qu'un groupe de citoyens va fonder une nouvelle ville un peu plus loin, au bord de la Méditerranée ou de la mer Noire, eh bien, ces problèmes politiques, on va les retrouver constamment tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours. Les migrations sont aussi toujours vues au travers d'un prisme, et il est bon de rappeler que pour nous, sédentaires, qu'aucune société ne constitue en rien une entité intemporelle qui se perpétue au travers des siècles, des millénaires. Nous, quand on regarde, si on prend ce que nous appelons quelquefois nos vieilles nations européennes, bien, si on prend le cas des îles britanniques, par exemple, du Royaume-Uni actuel, sans remonter aux premiers Erectus qui s'y sont arrivés il y a au moins 1700 000 ans, ensuite on a arrivé des Homo sapiens, qui sont encore des chasseurs-cueilleurs, il y a 35 000 ans, et puis après les agriculteurs venus du Proche-Orient vont arriver. Et puis ensuite, on a des peuplements, dans notre jargon, on appelle la culture de campaniforme, qui semble plus ou moins liée aux Celtes. Et puis ensuite, les Romains vont s'installer, puis les Vikings, puis les populations germaniques comme les Angles et les Saxons. Et puis il y a la conquête par les Normands de Guillaume le Conquérant, qui sont en partie, mais pas seulement, d'origine viking quelque temps auparavant. Donc c'est une constante, et sans parler à partir du 19e siècle, d'un certain nombre d'habitants des colonies britanniques. Et donc on peut refaire exactement cette même historique de couches successives et de mélanges pour à peu près tous les pays, sachant néanmoins que la notion de nation est quelque chose d'assez récent, la nation en tant que communauté de citoyens. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'au mouvement des Lumières, jusqu'au romantisme, jusqu'à la Révolution française, on a simplement des royaumes dont les rois sont de droit divin. Donc c'est Dieu qui l'a voulu, de même que les pharaons étaient aussi des divinités, comme les empereurs romains ou comme les empereurs de Chine, qui descendent en droite ligne d'Amaterasu, la déesse du soleil. Donc on avait des royaumes avec des monarques et qui agrandissaient ou rétrécissaient leur royaume au gré des guerres et des mariages. Et cette idée très moderne qu'une nation, c'est une communauté de citoyens, elle est tout à fait récente. Et la plupart des nations, par exemple toutes celles d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, effectivement, remontent à la fin du 18e, début du 19e siècle au plus tôt, sans parler des nations africaines, effectivement, qui actuelles, qui ne datent que de la décolonisation. Donc la même chose vaut pour toutes les nations de l'Europe. Justement, Jean-Paul Demoule, commençons par le début et l'Afrique. L'Afrique est un immense continent d'où un premier homme va sortir. Voici la première version de ce que les chercheurs appellent l'Out of Africa. Oui, ça commence effectivement avec les Homo erectus, mais surtout les progrès depuis une vingtaine d'années de la paléontologie et de la connaissance des humains anciens ont été extrêmement spectaculaires. Il nous faut complètement abandonner l'idée de cette longue file indienne de gauche à droite qui commence avec le singe accroupi et qui finit avec l'homme blanc barbu, une lance à la main. Plus nous avançons dans les recherches, plus on voit qu'il y avait sans arrêt toute une série d'espèces humaines qui n'ont cessé de se croiser, puisque, comme vous le savez, vous et moi, nous portons en nous quelques gènes qui viennent d'union avec des Néandertaliens, qu'en Asie, où c'est les Inuits, les Tibétains, il y a aussi des gènes d'une autre espèce qui s'appelle Denisova, et qu'il y a à peu près 100 à 150 000 ans, il y avait au moins 6 ou 7 espèces humaines déjà répertoriées, sachant que l'Afrique est un immense continent avec des régions où on ne peut pas travailler actuellement pour des raisons géopolitiques et où la survie de restes humains tient souvent du miracle géologique. Donc on a encore beaucoup de choses à comprendre, mais ce dont on est sûr, c'est qu'on a eu ce buissonnement permanent pendant toute l'histoire des humains, dont les plus anciens identifiés remontent à 6 ou 7 millions d'années, et que il n'y a donc pas un point origine d'une espèce particulière, mais que de ces mélanges, à chaque fois, sont sortis très progressivement des espèces, donc Erectus dans l'état actuel de nos connaissances en premier, qui est signalé au bord de l'Europe dans le Caucase dès 2 millions d'années, et ainsi de suite. Quel est le point de départ au cœur de l'Afrique? Les généticiens l'ont cherché au travers de l'ADN mitochondrial, à la recherche d'une Ève africaine, d'un jardin d'Éden. Tout ça est bien sûr très connoté. Oui, bien sûr. Il y a d'une part le fantasme des origines. On veut trouver une origine, un point. Or, en fait, il n'y a jamais d'origine. Il y a sans arrêt des mélanges permanents. Et donc, il y a eu déjà dans les années 90 l'idée qu'il y aurait une Ève africaine, donc africaine et femmes en plus, on était parfaitement dans le politiquement correct. Et puis ça a été plus ou moins abandonné. On a montré que ça relevait du mythe. Et puis effectivement, la connotation biblique était difficile à ignorer. Et puis encore très récemment, il y a 3-4 ans, d'autres groupes, cette fois toujours de généticiens, ont essayé de situer quelque part dans le sud-ouest de l'Afrique ce berceau originel, avec toujours l'idée que ce qu'on appelait les Bochimans avant, les Sanes, etc., ces populations qui ont été popularisées dans le célèbre film Les dieux sont tombés sur la tête, que ça serait les populations les plus primitives, donc ça pourrait forcément partir de là, parce qu'en plus ils ont ces langues avec ces sons un peu étranges pour nous, qu'on appelle des clics. Et puis là encore, il a fallu abandonné. Il est vrai que toutes ces recherches sont aussi, je ne dirais pas polluées, mais en tout cas fortement influencées par une intense compétition académique. Et il faut avoir de l'argent pour faire ces recherches de génétique qui coûtent très cher. Donc il faut avoir des résultats spectaculaires pour être publié dans des revues de savantes. Voilà. Donc c'est un peu la course à l'échalote de ce point de vue-là. Sapiens s'émerge vers 300 000 ans, actuellement au Maroc. Hein, c'est le point d'origine, pour l'instant, du moins. Nous voici avec lui vers la seconde sortie d'Afrique, donc cette fois-ci de Sapiens. Oui, les plus vieilles dates qu'on a effectivement pour Sapiens sont actuellement au Maroc autour de 300 000 ans, mais on a aussi des dates anciennes, notamment de 240-250 dans d'autres points, notamment en Afrique du Sud. Donc on peut penser que cette émergence de Sapiens se fait progressivement et par croisement permanent. Il faut se figurer aussi ces immenses durées de temps. Les Erectus qui sont sortis d'Afrique il y a 2 millions d'années, comme on vient de le dire, vont continuer à évoluer en Eurasie, vers des Néandertaliens en Europe et au Proche-Orient, vers les Denisoviens en Asie, vers des formes de petite taille dans les îles Philippines et Indonésie. Et ceux qui restent en Afrique évoluent vers les Sapiens, c'est-à-dire vous et moi, dont une partie va sortir et à son tour va se mélanger avec ceux qui étaient déjà là, leurs cousins très éloignés, notamment les Néandertaliens et les Denisoviens, mais sans doute d'autres encore à découvrir. Et les Sapiens restés en Afrique sont d'une certaine manière les plus entre guillemets purs, puisqu'ils vont être beaucoup moins métissés avec les autres espèces. Migrer sur des continents est une chose, atteindre une île en est une autre, comme l'Australie. On est là sur un cas tout à fait exceptionnel. Bah oui, même si pendant les périodes froides le niveau des mers baisse de 150 mètres puisque les eaux du globe sont stockées dans les glaces, il reste des bras de mer importants pour atteindre l'Australie. Et d'ailleurs, c'est intéressant que les sapiens qui sortent d'Afrique ne se précipitent pas tout de suite en Europe et en France, mais plutôt vers l'est et donc vont atteindre l'Australie, ce qui implique effectivement la traversée de plusieurs bras de mer importants. Mais on doit se rappeler qu'il y a 40 000 ans, ils ont le même cerveau et les mêmes capacités cognitives que nous. Donc, en même temps, c'est pas si surprenant que ça. Atteindre l'Australie par la mer il y a 60 000 ans, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Absolument, oui, bien sûr, et ça suppose une maîtrise de la navigation. On n'a encore retrouvé aucune de ces embarcations. Les plus vieilles embarcations humaines qu'on connaisse remontent à 10-12 000 ans à peine. Le problème, c'est qu'en général, elles sont forcément en bois, et donc il faut des circonstances exceptionnelles pour qu'elles se conservent. Avez-vous vu aussi, Jean-Paul Demoule, cette toute dernière découverte de Ludovic Slimak, l'arrivée dans le Rhône d'un groupe d'hommes modernes issus du Liban ou de la région du Liban, il y a 54 000 ans. Qu'en pensez-vous ? Ben, je pense qu'il faudrait, c'est tout à fait intéressant, mais je dirais deux choses. D'une part, il faut une confirmation, puisque jusqu'à présent, ça ne repose que sur une unique dent de lait qui se trouve dans une couche archéologique particulière. Donc, ça serait bien d'en avoir un peu plus. Et deuxièmement, si cette découverte tout à fait intéressante est confirmée, ça serait en même temps un événement sans conséquence, puisque effectivement, un petit groupe de sapiens serait arrivé en territoire néandertaliens, mais on sait qu'ils se sont croisés, puisque, pour me répéter, vous et moi avons des gènes néandertaliens. Donc, ils seraient entrés en territoire néandertalien. Il y aurait peut-être eu des échanges culturels, sexuels, les uns avec les autres. Mais en tout cas, ça n'aurait pas eu de conséquences, puisque les traces indéniables, les plus anciennes de présence de sapiens sont suites en Europe. C'est en Bulgarie, à Kozernica, dans la grotte de Kozernica, d'une part, et puis ensuite dans toute l'Europe occidentale. On serait donc sur une sorte de migration ratée ? Bah oui, comme il y en a eu un certain nombre dans l'histoire du monde. Hein. On peut citer justement les Vikings à Terre-Neuve. Les Vikings découvrent, entre guillemets, l'Amérique au 12e, 13e siècle et fondent de petits établissements, mais qui sont sans conséquence. Et même chose pour le Groenland, la partie orientale du Groenland. Ce sera des migrations environnementales dans l'autre sens. Ils s'installent et puis finalement, avec la dégradation qui est liée à ce qu'on appelle le petit âge glaciaire du 15e au 18e siècle, eh bien ces colonies seront abandonnées. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Paul Lemoule, l'homme moderne, c'est-à-dire nous, n'est-il pas une espèce particulièrement invasive, celle-là même qui absorbe toutes les autres identités néandertaliens, dénisoviens, etc. Oui, certainement, on est une espèce indéniablement invasive, puisque on a des raisons de penser qu'il n'y avait pas une très grande différence sur le plan psychique comme physique entre nous-mêmes et les Néandertaliens. On dit souvent très banalement qu'un Néandertalien bien habillé, rasé dans le métro avec un chapeau sur la tête, puisque forme occipite est un peu différente, qu'on le reconnaîtrait pas. Et il a la même capacité cérébrale, il fait déjà des signes abstraits, comme dans la grotte de Gorham à Gibraltar. Il y a un débat pour savoir si on doit lui attribuer ou non des tracés à l'ocre rouge en Espagne, voire en France. Mais néanmoins, il a été remplacé, comme on dit ces temps-ci, par Sapiens, peut-être parce qu'ils étaient moins nombreux, peut-être parce que Sapiens apportait des maladies contre lesquelles les Néandertaliens n'étaient pas immunisés, comme ça s'est passé pour les Amérindiens. Il semble aussi qu'ils avaient moins de liens les uns avec les autres, ils étaient plus séparés, sans se passer. Mais en tout cas, ils disparaissent au plus tard, aux alentours de 27 000 ans avant notre ère, et la même chose va se passer en Asie avec Denisova ou avec les espèces de petite taille des Philippines et d'Indonésie. Et donc, effectivement, dans un premier temps, nous éliminons toutes les autres espèces. Comme je disais, il y a 100 000 ans, il y avait 6 ou 7 ou plus espèces. À partir de 25 000 ans, on est tout seul, une espèce orpheline, comme on l'a dit parfois. Et puis, sur notre lancée, ben, on va éliminer toutes sortes d'espèces animales par la chasse, volontairement, le paresseux géant d'Amérique du Nord tout au début, ou les bisons d'Amérique du Nord au 19e siècle. Le dodo. Oui, le célèbre dodo de l'île Maurice, où indirectement, par les effets de la vie industrielle moderne, comme on sait, en France, un tiers des oiseaux ont disparu dans les 30 dernières années, même chose pour les insectes, etc. Donc on peut vraiment nous qualifier d'espèces invasives. On favorise à l'excès les espèces qui nous arrangent. Donc, comme on sait, l'élevage intensif pose des tas de problèmes, demande beaucoup d'eau, etc. Et on élimine directement ou indirectement tout ce qui ne nous plaît pas, sachant qu'on peut considérer qu'il n'y a pratiquement plus d'espace sauvage, puisque les dernières espèces sauvages, c'est des réserves naturelles, des parcs naturels où tout est encadré, où on soigne les animaux, on les tue quand il y en a trop, etc. L'homme est donc né nomade, mais un étrange phénomène dont vous nous parliez là va stopper ce mode de vie, disons-le, il y a 8000 ans en France, un peu plus, 12000 ans peut-être au Proche-Orient. Oui, effectivement, c'est le début du confinement, c'est l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Elle se fait au moment où le climat se réchauffe, où on entre dans l'actuel interglaciaire il y a 10-12 000 ans, et les chasseurs-cueilleurs qui commencent indépendamment dans plusieurs régions du monde à domestiquer des animaux et des plantes vont en même temps se confiner dans des maisons en dur, c'est là qu'elles apparaissent en gros, elles-mêmes dans des villages et dont on ne sort que pour cultiver les champs autour, aux abords immédiats du village, la chasse diminuant très fortement, ne devenant plus qu'une activité de loisir. Et quand la démographie continuant à croître, on arrive dans les villes, on n'a même plus besoin de sortir du tout, puisque la nourriture arrive via les commerces, comme on peut l'observer dans les fouilles des villes antiques, et qu'on invente même l'écriture pour gérer ces sociétés de plus en plus nombreuses, qui, cette fois, pour la première fois dans l'histoire humaine, permet de communiquer avec autrui sans qu'il soit présent. Donc tout ce qui va se dérouler ensuite jusqu'au télétravail, à la communication informatique, voire confinement, tout ceci se déroule très naturellement à partir de l'agriculture. Le confinement, sachant que également en se confinant avec les animaux domestiques et avec les animaux dits commensaux, comme les rats, les pigeons, etc., on va aussi inventer les épidémies, puisque on n'a plus affaire à des petits groupes humains nomades séparés les uns des autres, mais à des communautés fixes et de plus en plus grandes. Si l'on évoque la grande migration néolithique partie du Proche-Orient vers l'Europe, tout ne se fait pas d'une traite. Jean Guilaine évoque même une sorte d'arythmie dans ce processus de conquête. Oui, bien sûr, parce que l'Europe a des climats et des environnements très, très différents. Donc l'agriculture est inventée au Proche-Orient dans un climat de type méditerranéen. Donc une partie des agriculteurs en surnombre vont sagement longer les côtes de la Méditerranée, mais une autre partie va, une fois toute la péninsule balkanique remplie, va entreprendre de partir vers le nord, donc le bassin du Danube, arrivant dans la moitié nord de la France aux alentours de 5200 avant notre ère. Et pour ça, ils ont besoin que ça climate aussi bien les humains que les animaux et les plantes qu'ils apportent avec eux, puisque le blé, l'orge, le mouton, les chèvres ne sont pas indigènes en Europe. Et puis, il y a pu y avoir, mais ce n'est pas encore suffisamment documenté, des résistances des populations indigènes de chasseurs-cueilleurs qui habitaient l'Europe avant l'arrivée massive des agriculteurs. Parmi les migrations, il y a bien sûr quelques migrations tout à fait extraordinaires. Je pense à celle de mer de Chine, qui porte le nom d'Austronésien et qui, partie de Taïwan, Formose, va conquérir les îles du Pacifique et arriver donc bien sûr jusqu'en Polynésie et donner naissance aux Polynésiens. D'autres migrations posent encore problème. C'est par exemple l'expansion bantoue en Afrique. Oui, l'expansion bantou est plus compliquée parce qu'effectivement, on est sur un continent. Tandis que les Polynésiens, d'île en île, ils arrivent dans des endroits où il n'y avait personne avant eux. Donc c'est beaucoup plus facile. Cela dit, même quand on croise l'archéologie avec la génétique et avec la linguistique, on voit que c'est des mouvements beaucoup plus complexes. Donc, a fortiori, en Afrique, c'est des mouvements très complexes. Les langues bantoues, donc la famille des langues bantoues qui comprend plusieurs centaines de langues, les langues bantoues sont une des quatre grandes familles linguistiques du continent africain. Donc elles vont se diffuser progressivement vers le sud jusqu'à atteindre la pointe sud de l'Afrique, mais en portant en même temps l'agriculture et en rencontrant des populations de chasseurs-cueilleurs, ceux dont on parlait tout à l'heure, là, les San, les Bushman, les Roy Sam qu'ils vont rencontrer, et avec des mélanges qui jusqu'à présent sont complexes et qui fait que, vu l'immensité du continent, on n'en connaît pas encore tout le détail. Jean-Paul Demoule, les langues pourraient bien entendu être un outil pour cerner les mouvements de population. Qu'en est-il du phénomène des Indo-Européens ? C'est un peu la même chose que les Bantous. Toutes les langues de l'Europe et d'une partie de l'Asie appartiennent à une même famille, dit des langues indo-européennes, parce qu'elles ont elles partagent entre elles des similarités de structure et de vocabulaire. Et pendant longtemps, ça fait au moins deux siècles qu'on les a identifiées en tant que telles, plus même, on a appliqué le modèle romain. C'est-à-dire que toutes les langues romanes sont lié à l'expansion de l'Empire romain. Donc on a cherché un modèle identique, mais en fait c'est un phénomène de diffusion beaucoup plus lent et certainement avec beaucoup plus de mélanges, avec des risques aussi de raisonnement circulaire interdisciplinaire avec la génétique. Les généticiens, dans les premiers temps de la paléogénétique, depuis le milieu des années 2010, ont fait confiance à certains linguistes pour appliquer leur modèle et rechercher la trace de migration massive, etc. Mais plus on avance et dans une coopération efficace entre généticiens, archéologues et linguistes, plus on voit que c'est beaucoup plus compliqué que cela, mais on aura certainement la clé du problème, c'est-à-dire tracer plus finement l'expansion de ces langues, le mélange de ces langues au fil des millénaires. Jean-Paul Demoule, pour vous, cinq constantes qui s'entremêlent expliquent les mouvements migratoires des humains ? Oui, bien sûr. Je trouve que si on regarde, et bien on va les retrouver du début. Pas tout à fait du début pour certaines, mais presque, et en tout cas jusqu'à nos jours. C'est d'abord effectivement la démographie, comme on a suffisamment évoqué ici. Deuxièmement, c'est effectivement l'impérialisme de ces différents États dont les dirigeants veulent agrandir indéfiniment leur territoire. Ce qu'on voit aujourd'hui en Russie, par exemple. Le cas de l'Empire russe est tout à fait emblématique. Et puis, la troisième, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit aussi, les sociétés sont en métissage permanent, en mélange permanent. Il suffit de voir notre mode de vie. On écoute de la musique qui est un mélange de musique africaine et américaine créée au 19e siècle, qu'on porte des blue jeans, etc., dont vous connaissez l'histoire. Donc notre cuisine est faite de mélanges, etc., et nos gènes, bien évidemment. La quatrième constante, c'est que l'étranger est toujours suspect. C'est le barbare tel que les Grecs le décrivaient déjà, barbaros, celui qui ne sait pas parler, les Romains, etc., alors qu'ils n'arrêtaient pas de se mélanger aussi les Romains. Les invasions barbares, qui sont une légende noire refaite après coup et que l'archéologie démonte assez facilement. Et on a oublié que les discours qu'on entend actuellement contre les immigrés, on retrouve les mêmes au 19e et au début du 20e siècle, si on prend que la France, contre les Italiens, par exemple. Il y a eu des massacres d'ouvriers italiens au début du 20e siècle, contre l'arrivée des réfugiés arméniens, contre les Polonais dans l'entre-deux-guerres. Et aujourd'hui contre les Roms à la frontière donc, oui, de l'Ukraine. Oui. Donc, il y a quand même une cinquième constante, d'après moi, qui suis d'un naturel optimiste, c'est que quand même les sociétés arrivent effectivement à faire société. C'est-à-dire qu'il y a ces mélanges, il y a ces guerres, il y a ces violences, mais les sociétés existent effectivement en tant que telles, même si elles sont régulièrement déchirées par des drames, comme là encore on peut le voir aujourd'hui. Jean-Paul Demoule, merci beaucoup d'avoir été avec nous de Lyon, donc en ligne. Je rappelle le titre de votre livre paru aujourd'hui chez Payot, Homo Migrans, de la sortie d'Afrique au grand confinement. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Amandine Frichou et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application de Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.